Yeah. Armory Music, HF Funès. Ok. On fournit les efforts, on nous dit que ça glande fort. On a toujours tort, alors que Nozick nique le décor. Rap illégal, simple trop de thunes, trop de stick. Écoute HF, baise la sphère apologique. On nous dit qu'il y a un mauvais côté, celle qu'elle. Soit tu joues le PD, ou c'est ta peau qui se fait trouer. Glock 16, parce c'est comme ça que tu comprends. 94, où tout est niqué. Blessure qu'on a du mal à fermer. Secteur ravagé, cachant tous fissures. Y'a freine, y'en a qui bouffent trop de calèches. Sont là mendier leur RP, vibe à la frais. Toujours dans le crade, faut qu'on s'évade. C'est pour ça que sur le périph' ça bombarde. Aspire à autre chose, prate ou comme les clandés. Aucune issue, ma tristesse a pris perpète. Trop de stress, pas assez de cachet dans ma tête. Ça me joue des tours, elle n'a pas d'odeur. Elle se ressemble toute, elle murmure tant que je veux. Il faut que je remonte un four, alors l'aiguille tourne, je l'arrête. Tombe d'oublier coquille barrette. Armure et musique, ça prépare trop de trucs. À l'abri des putes et des flics, protège ta nuque. Invasion barbare, branle-bas de combat depuis la naissance. HF Funès, honneur et nuisance. Comité là où tu ne t'y attends pas, bâtard. Il paraît qu'il y a des putes dans les sillons. La sphère tourne, 92 garçons. Laisse le projectile faire son taf. Astique juste la douille, écoute Jack, t'es la connasse. Décompte plus qu'un 16 et une bombe sale. Magnolia Jungle, HK qui combat dans la zone et sa bique crave dans les maquis. Illégal bunker et le coed dans mon écriture. Saddam Hussein dans la structure. Connard, tu fermes ta gueule depuis 8 mm. Tu suces depuis qu'on veut te la mettre. Un dé jusqu'au clip monnaie. Et dans mon dos, le monkey à la dalle. On veut du son et des grosses liasses. Mad Max, époque chaotique. Illégal, funeste, H music. Ça fait longtemps qu'on braille dans un climat hostile. Comme l'Irak, ville blindée de mines et de missiles. Les cités devenues des dépotoirs, des coupes gorges sales. Où tu traînes pas le soir, même pas pour une apparition spéciale. Ça fait longtemps qu'on baigne dans un climat hostile. Comme le Goët, ville blindée de mines et de missiles. Les cités devenues des dépotoirs, des coupes gorges sales. Où tu traînes pas le soir, même pas pour une apparition spéciale. Ça fait longtemps qu'on baigne dans un climat hostile. Comme le Goët, ville blindée de mines et de missiles. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? C'est qu'on fout. On fait la guerre.